Jours heureux, jours heureux, ces jours où mes pensées s'arrêtent, sur toi qui mets mon cœur en fête, quand tu me fais perdre la tête. Jours heureux, jours heureux, jours heureux, je ne sais quel fleuve nous entraîne, à de doux baisers ils nous mènent, on rit comme deux enfants qui s'aiment. Jours heureux, j'espère que rien ne pourra jamais te séparer, séparer de moi. Car quand je suis tout seul, ma joie c'est rêver, oui rêver de toi. Jours heureux, jours heureux, tout est si doux et moi je t'aime. Tes rêves et les miens sont les mêmes, ne te lasse pas, dis-moi je t'aime. Jours heureux, j'espère que rien ne pourra jamais te séparer, séparer de moi. Car quand je suis tout seul, ma joie c'est rêver, oui rêver de toi. Si doux et moi je t'aime. Tes rêves et les miens sont les mêmes. Ne te lasse pas, dis-moi je t'aime. Jours heureux.